Bienvenue à tous, chers amis, à FrenchPod. Je m'appelle Amaury. Hi, I'm JP. Aujourd'hui, pour vous, une nouvelle leçon de niveau intermédiaire. Great, and it's called Crêpe Party Time. Et oui, encore une fois, sur FrenchPod, il s'agit de nourriture. Excellent, that's my favorite subject. Tu préfères le sucré ou le salé? I prefer the sweet crepes. C'est parfait, puisqu'aujourd'hui, on a la recette pour les crêpes sucrées. Oh, excellent. Okay, crêpes sucrées, the sweet crêpes. There's no ham and cheese in them. Non. No, we're gonna put something like lemon and sugar, or Nutella, marmalade. Oui, la confiture. All right, and so for the dialogue, we have a recipe. C'est bien ça, une recette. Une recette, okay, oui. The recipe. So what's our keyword? That's not our keyword, is it? Non. Okay, what is our keyword? C'est... Grumeau. Grumeau. Grumeau, that's lumpy. Oh, the crepe's gonna be lumpy? Amaury. Possible qu'on rate la pâte à crêpes et alors il y a des grumeaux dedans. Oh no. Et c'est ce qu'on veut éviter. Yes, oh, we're gonna avoid that. All right, so we're gonna listen for the word grumeau. Donc il faut faire attention, essayer de repérer ce mot, grumeau, dans cette recette. Alors on écoute ce cuisinier qui nous explique sa recette. Pour 20 crêpes, préparation 10 minutes, repos 2 heures, pas obligatoire. Cuisson 20 à 30 minutes. Commencez par mélanger au fouet dans un bol 350 g de farine et 2 tiers de litre de lait froid. Le mélange liquide obtenu est bien fluide et sans grumeaux. Délayez alors dans ce mélange 6 œufs, un sachet de sucre vanillé et une bonne pincée de sel. Le résultat est liquide, mais encore un peu pâteux. Délayez alors avec 80 g de beurre fondu et 2 cuillères à soupe de cognac que vous ajoutez pour finir. Si vous jugez la pâte trop épaisse, ajoutez encore un peu de lait. Et nous revoilà, il ne reste plus qu'à les cuire. Et moi j'adore les crêpes. Me too, absolutely. Vraiment. I like them in the morning, late at night. Right. I like them in the afternoon. Il n'y a pas d'heure pour en manger. Alors on va voir comment on fait cette recette. Ok. D'abord le cuisinier précise ici le nombre de crêpes qu'il va pouvoir préparer avec sa recette. Right. Il s'agit de 20 crêpes. 20 crêpes, 20 of them. Wow, oui. That seems like a lot. Ça dépend combien de personnes. I suppose. Généralement j'en mange au moins 5. Wow. Ah bah ouais. Ok, ok. Il faut déjà goûter les différents accompagnements. Donc il en faut une à la confiture, une au chocolat, une au citron. Et une fois que tu as goûté les trois, tu choisis celui que tu préfères. Absolutely. Et t'en reprends. Alors on donne les principales indications. Ok. La préparation. 10 minutes. Oui. Ensuite, normalement, il faudrait laisser reposer la pâte 2 heures. Ok, repos. Right? So the resting time. Oui. Mais ce n'est pas obligatoire. All right, you can just make them. Oui. Okay. And then the cooking, right? Cuisson. Cuisson. Qui va prendre 20 à 30 minutes pour 20 crêpes. Okay. Pas par crêpe, hein. Alors, maintenant, on rentre en détail dans la recette. Donc, il faut commencer par mélanger au fouet. Au fouet. Can you tell us about this fouet? Alors, c'est un instrument de cuisine. En français, on dit même un ustensile de cuisine. Okay. Qui permet de mélanger les ingrédients. Okay. Now, we don't have fouet. I don't know if our listeners know what fouet is. I didn't really know. Is it special just for crêpes? Non, quand il faut mélanger des aliments, on utilise un fouet. Okay. See, to me, it's something like an egg beater. I would beat eggs with it. Okay. Tu parles de celui qui marche à l'électricité? Okay. Voilà, là, on dit un fouet électrique. Okay. Or you can beat it with, you know, your hand power. Voilà, là, on dirait que c'est plutôt avec la main. Okay, so that's a fouet. J'essaierai de trouver une photo sur la page de discussion. Ok. Et alors, on a besoin d'un bol, puisqu'on va mélanger au fouet dans un bol. Qu'est-ce qu'on va mélanger? 350 g de farine et 2 tiers de litre de lait. Ok, 2 tiers, that's 2 thirds. Oui. 2 thirds liter. Voilà, donc on dit 2 tiers de litre. Ok. Et ensuite, 2 lait froid. Mm-hmm. Et donc, on obtient un mélange liquide. Right. Qui doit être bien fluide. Fluide, right. Okay, you want it to be liquid. You want it to be fluid. You want it to be smooth. Et sans grumeaux. There's our mot-clé, right? Grumeaux, all right? Lumpy. So without lumps, sans grumeaux. Ben oui, parce que sinon, sur les crêpes, ça fait des petites boules dans les... Yeah, non. Gross. Ouais. Okay, so what are we going to do next? On va délayer dans ce mélange 6 œufs. Okay, 6 œufs. And we're using the verb déléer. It's to like dilute. Or when you're talking about liquids, you can just say to add. Okay? Et aussi un sachet de sucre vanillé. Okay. Vanilla sugar. Usually where I'm from, you make your own vanilla sugar. They don't come in sachets. En France, il est possible de trouver du sucre qui est déjà parfumé okay. à la vanille. Okay, I've never seen that before. Learn something new every day. Okay. And a pinch of salt, right? Oui, il ne faut pas oublier la pincée de sel. Mm-hmm. C'est ça qui fait la différence. Oui, oui, oui, tout à fait. Donc, on obtient un résultat qui est liquide, mais pas encore parfait, mm-hmm. puisqu'il est encore un peu pâteux. Okay, a little bit doughy, pâteux. Oui. Okay. Donc, il faut encore y ajouter, y délayer 80 grammes de beurre fondu. Okay, beurre fondu, it's important that it's fondu, right? That it's melted butter. Oui. If you put a stick of butter in, it's not going to work so well. Pas aussi bien, non. Non. Et bon, là, on voit qu'on est quand même en France. OK. On ajoute un peu d'alcool, c'est-à-dire 2 cuillères à soupe de cognac pour finir. OK. Now, when we say 2 cuillères à soupe, 2 soup spoons, in American recipes, I would say tablespoons. C'est ça. OK. Et donc, normalement, vous avez une pâte qui est parfaite, mais il dit si vous jugez la pâte trop épaisse, mm-hmm. ajoutez encore un peu de lait. OK. Just to lighten it up, right? Exactement. All right. Now, that word for thick... Épaisse. Épaisse, ok. Et donc ici, c'est au féminin, alors que le masculin, c'est épais. Épais, ok. Épais, épaisse. Et donc là, je crois qu'on a toutes les indications pour avoir de très bonnes crêpes. Mm-hmm. Well, at least the batter. Cooking it on the pan is going to be another technique, right? C'est vrai. Et ça aussi, je l'ajouterai sur la page de discussion. Ok. Pour être sûr, on va réécouter cette recette à nouveau. Pour 20 crêpes, préparation, 10 minutes, repos, 2 heures, pas obligatoire. Cuisson, 20 à 30 minutes. Commencez par mélanger au fouet dans un bol 350 g de farine et 2 tiers de litre de lait froid. Le mélange liquide obtenu est bien fluide et sans grumeaux. Délayez alors dans ce mélange 6 œufs, un sachet de sucre vanillé et une bonne pincée de sel. Le résultat est liquide, mais encore un peu pâteux. Délayez alors avec 80 g de beurre fondu et 2 cuillères à soupe de cognac que vous ajoutez pour finir. Si vous jugez la pâte trop épaisse, ajoutez encore un peu de lait. Et donc, il y a une raison pour laquelle on a cette leçon aujourd'hui. So why? Why do we have this lesson today? Parce qu'aujourd'hui, le 2 février, comme chaque année, c'est la fête de la Chandeleur. Wow, fête de la Chandeleur. What's special about that? Il y a une tradition qui dit qu'à la fête de la Chandeleur, on mange des crêpes. I like that. All right. Je me souviens, ma mère avait oublié un jour, mm-hmm. et j'étais tellement triste, je me dis, mais c'est la Chandeleur, mm-hmm. c'est le jour des crêpes. Yeah, that can be devastating. On peut faire les crêpes qu'on veut, là on a la recette des crêpes sucrées, mm-hmm. faire aussi des crêpes salées. Right. Et la recette est plus ou moins similaire, mm-hmm. il y a juste quelques ingrédients qui varient. Right, probably no vanilla sugar. Ça c'est clair. Mm-hmm. Yeah, so do you have a favorite crêpe salée? Oui, c'est la plus connue, c'est jambon fromage. Absolutely, that's my favorite too. Mm-hmm. C'est simple, mais c'est tellement bon. Donc toi aussi, c'est celle-là? Yes, yes, for the salé. But I really do prefer the sucré. Moi aussi. Mm-hmm. Avant, je ne mangeais jamais de crêpes salées. Après, j'ai découvert les crêpes salées, qui ne sont pas mauvaises quand même. Right, I discovered cider. Ah oui, ça... tu fais bien de le noter parce que normalement, avec les crêpes, c'est ce qu'on boit, mm-hmm. du cidre. Mm-hmm. Et c'est très bon aussi. Absolutely, absolutely. Donc voilà, si vous n'avez pas encore prévu votre dîner pour ce soir... Here's an idea. Oui, il est ici dans la leçon. Donc j'espère que vous en profiterez et que vous profiterez des prochaines leçons sur FrenchPod. Donc venez nous rejoindre. Si vous avez aussi des idées de recettes, si vous avez une autre façon de cuisiner les crêpes, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc on se voit bientôt. À bientôt et bon appétit.